Messi. Ça Seigneur, mon Dieu, non. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, frites, c'est roule. C'est bête. Le sol qu'on va monter, c'est moi le gauche m'a prébalancé. M'envie crier, m'envie relais, à terre m'envie voler. Le loi qu'on va monter, c'est moi le gauche m'a présagagé. M'envie crier, m'envie relais. A tchè, m'en vi volé. Si ta volé, t'en pou papillon. Volé, volé, volé, volé, volé. T'en pou papillon. Volé, volé, volé, volé, volé. T'en pou papillon. Volé, volé, volé, volé, volé. T'en pou papillon. Le sol qu'on va monter, c'est pas le gauche, m'en fait balancer. M'en vi crier, m'en vi reler. A tchè, m'en vi volé. Le loi qu'on va monter, c'est bon gauche, m'en fait s'engagé. M'en vi crié, m'en vi relé. A tchè, m'en vi volé. S'en t'a volé, ton coup papillon. Volé, volé, volé, volé, volé. Marcelin, c'est où même? Jazz Dragon, million de l'atoll. Jean-Robert Cadet, c'est où même? Jazz Dragon, million de l'atoll. Eh bien, laissez-la aller, tout le monde s'en rien comme. Il est déjà marché. La rivière. Allô, Jean. House. Au New York. Ça, c'est design. Et puis, ça, c'est sexy. 25 ans d'expérience à gauche. 25 ans d'expérience à droite. Je vis dans mes temps jeune, dans mes temps sexy, je vis dans mes temps flat. Soldats qui sont tombés, ensemble nous qu'à parler. On y est pas dérangé. Tout cela en Haïti, mettez fils dans terre, design de la paix. Oh non, si c'est ta roupin, c'est pas ta roupin. Si c'est ta roupin, c'est pas ta roupin. Si c'est ta roupin, c'est pas ta roupin. Aïe, aïe, yé, lé, lé, lé, lé, bo, bo. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Yé, lé, lé, yé, lé, lé. Oh!